Tu parles de la mort sans témoin, d'un corps trouvé dans les champs. Tu apprends au peuple à ne pas dire, ce n'est pas mon problème, je m'en vais en courant. Les anciens s'avancent devant toi, ils prennent la responsabilité. Ils confessent que le sang innocent ne doit jamais être oublié. Tu refuses que la culpabilité se perde dans l'anonymat. Apprends-nous la justice au milieu du camp, à ne pas fermer les yeux sur la douleur, à porter ensemble ce qui arrive, à ne pas fuir ce qui fait peur. Apprends-nous la justice au milieu du camp, à honorer même celui qui n'a plus de voix, car tu vois le sang versé en secret et tu le ramènes devant la croix. Tu parles de la captive mariée, des droits du premier-né méprisé, du fils rebelle qui refuse tout, des corps qu'on ne laisse pas exposer. Dans ces lois parfois difficiles à lire, tu dis l'injustice ne doit pas durer, même celui qui a transgressé garde un reste de dignité. Apprends-nous la justice au milieu du camp, à ne pas fermer les yeux sur la douleur, à porter ensemble ce qui arrive, à ne pas fuir ce qui fait peur. Apprends-nous la justice au milieu du camp, à honorer même celui qui n'a plus de voix, car tu vois le sang versé en secret et tu le ramènes devant la croix. Qui ne banalise pas la vie, la faute, ni la vie.